Alors, salut, moi je vais vous présenter Les Lettres d'Insurgé, qui est un roman épistolaire qui n'annonce absolument jamais que c'est un roman épistolaire nulle part dans le texte. C'est un livre qui a été publié pour la première fois à Détroit en 1976 par les éditions Black and Red, avec une attribution du texte qui est donnée au personnage et une note pour la lecture dans la dernière page qui annonce avoir. Éliminer toute mention de date, éliminer toute mention de lieu, changer absolument tous les noms à l'intérieur pour ne pas incriminer des gens. Et c'est ce qui en fait finalement une justification d'avoir écrit un roman composite sur tout un tas d'activités anti-autoritaires, sur tout un tas de pratiques qui ont été glanées un peu à droite à gauche par son auteur, donc qui se trouve être Freddy Perlman. Mais qui est présenté comme si c'était réel. Donc il n'en est pas à ce moment-là, il n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà fait quelques autres textes en essayant de faire des faux littéraires. Il a essayé d'en faire un après qui est un peu foiré, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui était un peu trop compliqué pour être mis en place. Et puis il est mort avant de terminer, donc c'était difficile de faire un faux qui n'était aussi pas fini. Ce texte des lettres d'insurgés, c'est un échange entre deux personnages donc qui sont renommés Sofia Nachalo et Jaroslav Wojcik. Ces deux personnes qui sont rencontrées en fait 20 ans avant de s'écrire ce pavé, en participant ensemble à une grève insurrectionnelle dans un pays d'Europe de l'Est qui n'est jamais nommé à l'intérieur du bouquin et qui en fait... Parce qu'il y a un ressenti que la période de censure qu'ils ont vécue en fait, depuis cette grève qui les a séparés sur des continents différents avec des parcours de vie assez divergents, que cette condition de censure finalement commence à un peu s'épuiser, à se relâcher et qu'il y a la possibilité peut-être d'essayer de rentrer en contact l'une avec l'autre. Et dans ce livre, en fait, ce qu'on a, c'est... un peu moins d'un an d'échange de lettres sur justement leurs expériences depuis cette grève et cette occupation d'usine qu'ils ont vécu ensemble et sur finalement les 20 ans qu'ils ont vécu depuis dans des contextes très différents. On a une personne qui, Jaroslav, fait en tout 12 ans de détention dans des camps de travail quelque part en Europe de l'Est encore, voilà, alors que d'un autre, on a le personnage de Sofia qui, le lendemain de son arrestation dans cette occupation vécue avec Jaroslav, se retrouve à partir en exil avec des membres de sa famille plus ou moins élargis, enfin de ce que l'administration comprend comme étant sa famille, et se retrouve à vivre en Amérique du Nord, un parcours militant, je dirais... correspond à ce que des gens qui étaient dans des perspectives anti-autoritaires après la Seconde Guerre mondiale ont vécu, c'est-à-dire des mouvements extrêmement minoritaires, des pratiques où ils sont finalement regroupés avec tout un tas de différentes sectes marxistes qui passent plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à faire quoi que ce soit ensemble. Et du coup, il y a cette divergence de vécu qui vient se confronter finalement dans cet échange de lettres avec, je pense, le premier volume, peut-être la moitié du premier volume, c'est des échanges qui sont beaucoup plus rapides et qui sont extrêmement secs, extrêmement acerbes dans leurs critiques. Et ça vient devenir beaucoup plus long plus tard, mais je pense que c'est peut-être le côté qui fait que ça, c'est de la fiction. Je pense que la plupart des gens qui auraient des discussions comme ça par lettre auraient arrêté de répondre. Il y a au bout d'un moment je pense que c'est des critiques qui ne seraient pas faisables à l'oral, étant donné que les gens viendraient assez rapidement à se couper la parole, à s'engueuler et en fait à arrêter de discuter ensemble et partir. Mais c'est aussi quelque chose où, dans une correspondance, au bout d'un moment, et après une certaine quantité d'insultes, ça arrêterait de répondre. Enfin, voilà. Mais la magie de la fiction fait que ça continue et que ça arrive à peut-être déboucher à des changements de perspective. donner un exemple de ces critiques, c'est la première lettre. Donc il y a ce personnage de Yarosan qui parle, bah voilà, j'ai fait énormément de prison, quand je suis sorti j'étais encore plus désillusionné parce que j'avais l'impression que les personnes dehors étaient des citoyens bien dressés qui se confortaient à toutes les lois et que les derniers êtres humains libres étaient en train de mourir dans les camps séparés du reste du monde. Et en fait il était juste à penser, j'aurais envie de retourner en prison pour au moins vivre parmi d'autres êtres humains libres. Et en fait il parce que c'est un peu le récit se passe en 68, c'est un peu le premier signe qu'il commence à voir. Il parle plus tard des changements de politique, des remaniements gouvernementaux qui ressemblent un peu à la situation à Prague en fait pendant le printemps 68. Mais pour lui, le premier signe, c'est il a sa fille qui fait une manifestation dans la cour de son école parce qu'un professeur s'est fait disparaître et qui porte une pancarte, les gens ne disparaissent pas, ils se font enlever. Et en fait, c'est ce qui lui donne l'envie de renouer cette relation à travers la correspondance. Et la réponse, c'est, pardon, tu as une fille, une femme, enfin, on avait laissé ces constructions sociales-là depuis longtemps. Et c'est vraiment dans une critique, je pense, extrêmement violente et gratuite à l'intérieur du... Et il fait la même chose, hein. Il va la critiquer pareil, et chaque échange de lettres, c'est assez dur au début, mais ça permet aussi de... Je sais pas, ça donne un rapport de discussion avec des argumentations qui sont assez... Enfin, qui sont poussées assez loin. Les lettres font 40 pages de moyenne, ça aussi, c'est peut-être de la fiction. Voilà, je vais vous lire trois extraits, enfin je vais commencer par la fin, désolé, je vais commencer par la dernière page, mais pour montrer un peu la manière dont cette fiction est justifiée. Ma dernière lettre m'est revenue 2 mois après que je l'ai envoyée. L'adresse de Yarostan était entièrement recouverte d'une grosse tache d'encre opaque et une flèche pointée vers la mienne. Il n'y avait aucune explication nulle part sur l'enveloppe. En fait, il n'y avait aucune indication que ma lettre ait dépassé le bureau de poste local où les timbres avaient été affranchis. Il n'y avait aucun indice de qui l'avait renvoyé ni pourquoi. Au cours des 8 dernières années, je n'ai plus jamais reçu le moindre mot d'Yarostan ou de Myrna, de Yara ou de Jasna. Le capitalisme policier qui s'est imposé par le biais des instruments historiquement disponibles gouverne toujours aujourd'hui. Je me suis accroché aux lettres de Yarostan et aux copies carbone des miennes. Occasionnellement, je les ai partagées avec des amis. Il y a plusieurs années, l'une des personnes qui les a lues m'a suggéré de les partager avec un cercle plus large d'amis. J'ai hésité parce qu'il y avait tant d'elles qui auraient pu incriminer des gens dont les vies sont sous surveillance policière constante, et pas seulement là-bas. Lorsque j'ai finalement décidé d'accepter la suggestion, j'ai pris soin d'omettre tous les noms de lieux et j'ai changé le nom de toutes les personnes mentionnées dans les 2 séries de lettres, sauf quand j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire. Pour ce qui est de mon propre nom, les fichiers de police là-bas ne m'ont jamais listé comme Nachalo, mais comme la fille de l'homme que j'ai appelé Albert. J'espère que Yarostan me pardonne d'avoir fait un livre des lettres qu'il m'a écrites. J'espère en plus qu'il les lise. Et du coup, en fait, ça, c'est, voilà, c'est comment construire un roman entièrement basé sur des composites de personnes réelles, mais déguisées comme quelque chose de vrai. Bah, je vous dis que tu as anonymisé et ça permet de... peut-être masquer le procédé d'écriture. Tout le livre, en fait, les années ne sont pas vraiment enlevées, elles sont toujours référencées comme avant l'écriture des lettres. Donc en fait, 8 ans avant la publication du livre de 1976, c'est 68. Les événements, le seul nom de ville qui existe, c'est Magarna, qui est un anagramme de anagramme, mais qui correspond à 14 ans avant, ou 12 ans avant, et en fait 12 ans avant 68, donc c'est 56, et c'est l'insurrection de Budapest, qui est le pays d'à côté, et qui est vécu comme un peu une sorte de trahison journalistique, en fait. Beaucoup des échanges du livre, finalement, tournent autour de pourquoi les personnes qui ont participé à la grève, où ils étaient ensemble, mais pourquoi ont été emprisonnées, mais aussi pourquoi... quand Sofia a pour la première fois essayé d'envoyer une lettre au moment du soulèvement de Magarna, donc de Budapest, toute leur ancienne équipe de travail a aussi été emprisonnée. En fait, il y a du message, je ne vais pas raconter la fin, ce serait un peu dommage. Mais il y a des mystères qui tournent autour de ça. Mais en tout cas, le soulèvement de Budapest, vu à travers des représentations journalistiques, permet pendant environ 80 pages d'amener en fait une critique des intermédiaires, en fait, que ce soit des intermédiaires des politiciens, des journalistes, des pédagogues en tout genre. Il y a une chose que, oui, ils représentent leur vision du monde et ils essayent de nous faire passer leur vision du monde comme étant le monde réel. Et au final, pendant le soulèvement de Budapest, ça se retrouve à être une déception parce que je vais peut-être lire l'extrait plutôt que de le paraphraser. Est-ce que tu es d'accord de lire un tout petit peu plus lentement? Ouais. Merci beaucoup. L'espace d'un instant, notre stupeur et notre résignation avaient laissé place à de l'espoir, à l'anticipation d'une vie où de grands projets seraient possibles, où les rêves auraient pu être réalisés en compagnie d'êtres humains vivaces, imaginatifs et sympathiques. Mais nos espoirs furent de courte durée. La société tenue ensemble par le marché et la police ne s'est pas désintégrée. Les ouvriers de Magarna furent enterrés dans des fosses communes et notre espoir les a rejoints. Nous avions été incapables d'ajouter autre chose que des espoirs à leur lutte et nos gestes étaient restés confinés à des limites que nous n'avions pas créées, des limites que nous n'avions pas été capables de transgresser. Quelque chose comme ton projet journalistique était tout ce que nous avions pu atteindre au cours du moment où un univers de possibilités n'était pas très éloigné de notre portée. Nous avions compté sur les bonnes intermédiaires plutôt de créer les conditions dans lesquelles aucune intermédiaire n'aurait pu s'épanouir. Nous avions compté sur une presse honnête plutôt que de forger notre propre communication comme premier pas dans la création de notre propre communauté. Les gens de Magarna avaient commencé à lutter pour une telle communauté. Ils étaient isolés et ont été vaincus. Ils étaient isolés de nous et de ceux qui, comme nous, restaient fascinés par toute ou une partie des paillettes du monde des monarques. Nous étions isolés aussi, mais nous n'étions pas vaincus. Nous n'avions même pas commencé à lutter. Quelque part, je pense, dans la même lettre, il y a une mention, enfin une anecdote de ah bah je suis allé parce que tu m'as rappelé l'existence de ces gens avec qui on travaillait, mais maintenant c'est devenu des politiciens et ils faisaient un discours, donc je suis allé écouter leur conférence. Et en fait, tout de suite, ça dévie vers une digression. Ça me rappelle en prison quand on nous disait il y a les bons matons et les mauvais matons, et parce qu'il y en a, ils seraient de notre côté. Et en fait, ils ne sont pas vraiment de notre côté. Enfin, voilà. Et en fait, voilà, le fait de comparer, le fait de comparer des discours de politiciens au fait des bons ou mauvais matons, je pense, pareil, arrive à transmettre un peu enfin, qui peut-être maintenant paraissent banales, mais en tout cas, cette remise en question des intermédiaires, quelque part, elle se place dans tout un tas de discours de critique des rapports formels, de critique de la bureaucratie, qui est, en fait, dont le livre est issu. Enfin, je pense, le contexte de ce bouquin, finalement, c'est replacé dans une interstice entre deux périodes de soulèvement révolutionnaire plutôt importants, les grèves insurrectionnelles de la fin des années 40. Il y a énormément de références à la guerre d'Espagne à l'intérieur. Il y a énormément, enfin, il y a un tout petit peu de référence à la révolution trahie, d'où arrive cette personne qui s'appelle Machalo, et qui fait un peu référence à la révolution russe. Mais en fait, je pense le moment dans lequel le livre se passe est juste les différents contextes un peu révolutionnaires qu'il y a eu autour du printemps 68. Le livre, finalement, il s'adresse un peu à ce sentiment de déception. Il est écrit au milieu des années 70, il est écrit dans un contexte où la personne qui l'écrit, après 68, c'est le monde va changer. On a vraiment des pratiques, on a des activités anti-autoritaires, on possède notre propre presse, on va faire plein de choses. Et puis c'est la débandade, en fait, au bout de quelques années. Une imprimerie où il y a 40 à 50 personnes en permanence se retrouve gérée par deux personnes, puis c'est un peu l'abandon et cette déception. Et en fait, finalement, le livre, il parle de ce désespoir-là, mais il est écrit par des gens qui s'accrochent au fait d'être encore là, finalement, 20 ans après, de toujours avoir la même envie, le même désir révolutionnaire. Et je pense que ce livre, ouais, il parle, ouais, il parle peut-être pas quand tout est en train de se passer et qu'on a l'impression que tout va changer, mais une fois que bah, quand ça s'arrête, comment s'accrocher, comment persévérer, comment le faire dans ses propres termes plutôt que de le faire selon ceux des politiciens, en mettant peut-être un accent sur le fait que, bah, oui, dès qu'il y a quelque chose avec beaucoup de gens, il y aura des gens qui vont essayer de le noyauter, il y aura des gens qui vont essayer de le récupérer, il y aura des gens qui vont essayer de se placer comme porte-parole ou intermédiaire. Et au final, ça, dans tous ces échanges, ça, c'est quelque chose où ben, ouais, c'est très intensément critiqué, mais les gens qui en parlent sont encore là pour le faire. Donc, c'est pas très réjouissant comme livre, par contre. C'est historique, hein, le côté historique, ça se finit pas en fin positive, mais ouais, il réouvre une imprimerie quand même à la fin. Après qu'elle soit faite défoncée par les flics à l'expulsion d'une université occupée. Mais je vais lire un dernier extrait, puis peut-être d'après si vous avez des questions. Donc en fait, dans l'édition originale, l'adresse postale de l'imprimerie avait été remplacée comme si ça avait été l'adresse postale de l'auteur. Et du coup, en 1983, Sofia Nachalo, donc un personnage de fiction, a reçu une lettre. Et voilà. 7 ans après la publication des lettres d'insurgés, Sofia Nachalo a reçu une lettre reconnaissante d'une lectrice qui habitait Londres. Comme Sofia, la correspondante était née en Europe de l'Est et essayait d'adapter son insurrection à une nouvelle situation. Freddy était fier de cette communication réussie et y répondit par la lettre suivante. Cher Pierre, si les lettres d'insurgés est le premier livre occidental à refléter une partie de toi-même, plus lentement, tu es la première personne de Magarna à t'y reconnaître et à exprimer cette reconnaissance. Tu es en fait la seconde. Une femme yougoslave habitant à Paris t'a précédé de 6 ans. Et elle a écrit quelques années après la publication du livre que le véritable Yarostan, un ouvrier de Subotica nommé Velimir Moratsa, avait été à nouveau arrêté et qu'il était mort en prison, probablement assassiné. Il ne vit jamais le livre. Bien qu'il ait été écrit avant sa mort, il était dès le départ entendu comme un mémoire, une sorte de monument et probablement le seul à Yarostan, enragé, Vocek. À ceux qui sont restés et ont disparu sans laisser de traces, excepté dans la mémoire des autres. Tu connaissais sûrement Yarostan à Magarna. Il n'était de toute évidence pas, tel que ton essai le démontre bien, un membre de l'opposition officielle. Ces gens-là sont de ceux qui ont survécu et appris à déguiser, à tailler l'intégrité dans l'intérêt de leur survie en tant qu'opposante. Et nous, Sofia, Sabina, toi et moi, sommes de ceux qui s'en sont sortis sans rien d'autre que le souvenir fugitif de cette intégrité. Yarostan était un véritable individu. Les autres sont tout aussi réels, mais sont des composites ou fragments. Ted Nazilu, anagramme pour Anubis, l'embaumeur et préservateur des morts, était un fragment de moi. Pendant 10 ans, j'ai imprimé dans une grande imprimerie coopérative de Détroit, qui était au départ partagée par 40 ou 50 personnes, la plupart des révolutionnaires professionnels. La coopérative d'impression a fermé en 1980, et ce Ted n'existe plus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à sa jeune amie Tina, Faustina, la fille de Sabina. Je suppose que l'ami de Tina, le situationniste, est maintenant professeur. Sa mère s'est accidentellement fait sauter avec une bombe en 1969. J'ai toujours l'intention de raconter l'histoire de la mort de Sabina. Sofia, moi-même, est devenue une sorte de recluse après l'accident fatal de sa sœur. Et le suit presque complètement depuis la fermeture de l'imprimerie. Black and Red existe toujours, mais seulement comme boîte postale. Les impressions ne sont plus faites sur de l'équipement partagé en coopérative. À la différence de Sofia, j'ai été emmené de Tchécoslovaquie en 1939, c'est-à-dire 10 ans avant elle. Ceux de ma famille qui sont restés, grand-mère, tante et cousine, ont toutes disparu dans des camps de concentration. Comme Sophia, je n'ai tiré aucun sens personnel de mon expérience jusqu'à ce que je sois étudiant à l'université. Et à cette époque-là, les gardes des camps parlaient russe et anglais et non allemand. Je n'ai pas eu d'échange de longues lettres avec un camarade d'enfance parce que j'avais été trop jeune et qu'aucun camarade n'avait survécu. J'ai en fait revisité mon lieu de naissance au début des années 1960, mais je n'ai pas été autorisé à rester et seule la Yougoslavie m'a donné un visa de longue durée. J'ai vécu à Beograd pendant plus de 3 ans. J'y ai rencontré Velimir peu après sa libération de 12 ans d'un camp de travail communiste. Cela était même autogéré. Ton rêve de piscine vide et de suicide volontaire en fait une description parfaite. J'en ai rencontré d'autres. Russes, tchèques, hongrois. La disparition de mes tantes et cousines prenait sens pour moi, mais dans la forme de Sophia et non la mienne. Je ne me suis concentré sur mes propres expériences d'enfance que bien plus tard, en répondant aux pogromistes actuels qui perpétuent leur sale besogne au nom de mes cousines mortes. Alors il me semble que Nachalo était un commencement, non pas pour Sophia mais pour moi, et que j'ai enfin été capable de commencer par le début, le mien, et signer de mon propre nom. J'ai été profondément ému par tes réponses aux lettres, merci de les avoir partagées. Près du Perlin. Là on est encore dans la fiction, ou c'est, là, c'est une vraie lettre qui s'en vraiment une lettre, ouais. Okay. C'est, une lettre où il n'a pas poussé le vice jusqu'à répondre à quelqu'un qui lui avait écrit une lettre de manière très honnête, mais en l'adressant à son personnage, en répondant avec le nom du personnage, on va dire. Par contre, dans son livre posthume, pour montrer un peu le côté fabrication littéraire, son livre posthume, ça devait s'appeler The Straits, pour Détroit. Et en fait, c'était un livre en 2 parties sur l'histoire de la colonisation de Détroit. Le premier volume aurait dû être, et est présenté comme ça, parce que le premier volume a été publié de manière posthume et un peu remanié parce qu'il manquait des chapitres, aurait dû être une histoire orale de la résistance à la colonisation de la région de Détroit, qui aurait été passée donc, de génération en génération jusqu'à la dernière personne qui l'aurait raconté en prison après les émeutes de Détroit de 1851 à son neveu, qui l'aurait lui-même transcrit. Et le frère de la personne qui raconte cette histoire, sa sœur en fait, qui a raconté cette histoire orale et qui était le légataire de cette histoire orale, était une personne qui avait choisi un parcours de vie assez différent et qui aurait écrit sur la résistance depuis l'intérieur de la société coloniale. Et les 2 manuscrits auraient dû être trouvés dans une maison, parce que c'est une maison collective, mais c'est aussi une maison qui vient de la famille de Ted Nazibul, l'imprimeur, dans les lettres d'insurgés. Et les 2 manuscrits auraient dû être trouvés côte à côte dans une malle, et puis on va republier ça. Et effectivement, trouver des textes qui sont censés dater du 1851 et se rendre compte qu'en fait les textes ne sont pas terminés parce qu'ils ont été écrits en 1985 a posé problème. Mais voilà, ça montre un peu une idée du sens de la fabrication littéraire qui était dans le travail de l'auteur. Oui, il dit dans cette lettre que Yaroslav est un personnage réel. Ouais. Ce qui est quelque chose d'avéré. Ben, en fait, c'est une personne qu'il a rencontrée, mais le parcours de vie n'est pas tout à fait le même. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui... en fait, l'auteur était étudiant à Belgrade entre 60 et 65. Ou 60... Enfin, on ne sait pas. Entre 61 et 65. Et en fait, il a rencontré... dans ses études, quelqu'un qui sortait de prison et qui était en prison en gros depuis toutes les histoires autour de la rupture avec l'URSS et tout un tas d'opposants yougoslaves les ont enfermés et du coup ouais, qui lui a parlé de ça. En fait, quand ils faisaient leurs études, ils étaient sur de la planification industrielle dans les régions reculées. Et en fait, c'est le Kosovo. Ils étaient censés justifier scientifiquement l'industrialisation du Kosovo. ce qui n'a pas trop marché. Et du coup, quand il a fait sa soutenance de thèse de, je crois que c'est du droit ou de l'économie, il s'est fait comprendre qu'il fallait qu'il quitte le pays quand même. Parce que, mais c'était avant qu'il devienne des... Enfin voilà, le... après c'est quelqu'un qui est devenu un peu un théoricien de la critique anticivilisationnelle, mais ça c'est... De quoi, c'est de la critique anarchiste de la civilisation industrielle. Sauf qu'en fait, il en est venu à ces thématiques-là comme plus de 20 ans après. Donc il n'y a, pas vraiment de corrélation entre le fait d'avoir fait une thèse sur le développement industriel et enfin, en tout cas, pas dans ces termes-là. Il n'y a pas de, critique anti-industrielle dans sa thèse. Il y a par contre, en fait, ouais, la planification, c'est étrange quand même. Hein. Peut-être que les gens ne veulent pas forcément ça et qu'il y aurait d'autres moyens de le faire. Et en fait, cette critique-là, c'était déjà trop pour... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le bouquin, c'est cette espèce de parcours qu'on fait des diverses révolutions qui ont fait... révolution ou agitation qui ont parcouru notre époque, ouais. C'est-à-dire depuis la guerre d'Espagne, ce qui s'est passé aux États-Unis avec le macartisme, ce qui se passe en 68, et tout ça, je veux dire, ça le remet tout ça en perspective, et ça nous interroge sur effectivement, parce que l'intérêt de ces lettres, c'est que un auteur parle, et on est convaincu de ce qu'il a dit. Et puis la lettre suivante, elle démêle ce qu'il a dit. Et on se dit, mais attends, moi j'étais d'accord tout à l'heure, donc maintenant, pourquoi je ne suis plus d'accord, etc. Et constamment, on est amené comme ça à se remettre en cause. Ça, je trouve ça très bien fait. Par contre, il y a un truc que je voulais interroger, c'est pourquoi ces digressions, parce qu'il y en a beaucoup quand même, sur tout ce qui a trait à la sexualité, la déviance, ça fait d'une façon générale tout ça. Les rapports incestueux, la magie, parce qu'il y a tout un passage, un moment où on ne sait plus où on est, si on est sur la magie, sur une montagne, s'il rêve des histoires ou si c'est vrai, etc. Ça ressemble à la sorcellerie. Et là, j'avoue que j'ai été complètement perdu, je ne comprenais plus rien. Voilà, j'aimerais que là, tu expliques un peu. Ben je il y a certaines choses que je peux y répondre, pas tout, parce que je sais pas non plus ça, pourquoi ça a été fait. Je pense une partie de toutes les discussions sur la sexualité, c'est surtout des discussions sur la morale. En fait, il y a pas véritablement à aucun moment, enfin il y a une distinction qui est faite entre les révolutionnaires qui viennent des bureaucrates et puis les anti-étatistes, mais il n'y a jamais vraiment aucune théorie anarchique qui est discutée comme ça. Par contre, il y a la discussion de est-ce que l'émancipation passe par le rejet de la morale, et du coup, tout le rapport à la sexualité, il passe par ça. Il y a énormément de rapports incestueux qui sont discutés. Mais au final, il y a des, enfin, j'ai fait une brochure un peu où j'ai traduit des analyses de textes qui avaient déjà été faites sur les mêmes insurgés, et il y a un passage énorme là-dessus où est-ce que le problème dans la description de rapports incestueux, c'est l'inceste, ou est-ce que c'est les rapports d'autorité qui sont, il y a des énormes problèmes de consentement chez toutes ces personnes qui sont décrites à l'intérieur des lettres comme étant des véritables révolutionnaires parce qu'elles ont complètement aboli la morale. C'est là, ouais, enfin le consentement, c'est important aussi, quoi. Et du coup, il y a une volonté, bref, finalement, de pousser la lecture dans des retranchements. Enfin, tu vois, si la première lettre critique la morale, et c'est là, oui, c'est très bien de critiquer la morale, puis la deuxième, finalement, t'as des gens qui ont lu la lettre d'avant, qui ont essayé de se dire, bah, ça prend cette forme-là chez moi, et puis... Ça devient gênant, mais ça pose finalement ce questionnement de la morale et qui a l'air d'être assez présent même dans les textes, disons, plus théoriques, anarchistes ou anti-autoritaires des années 70. Il y a énormément ces choses-là qui reviennent et qui sont peut-être même moins discutées sur les problèmes que ça peut soulever, en fait. Je pense à... Ouais, enfin, pour ce qui est de la magie, je pense que c'est exactement la même chose. En fait, il y a des c'est pas exactement de la magie qui est discutée, mais c'est des représentations finalement qui vont aller conforter le rapport à l'autorité, le rapport à la morale. C'est cette famille paysanne en fait qui parce que ils se font balancer comme supposément étant contre le gouvernement dans leur village, ils peuvent plus habiter dans le village, ils arrivent en banlieue, ils trouvent un boulot de merde. Enfin, je veux dire une métaphore de l'exode rural qui est comme ça. Et en fait, tu as les enfants qui grandissent pas vraiment citadins, mais qui grandissent avec des cadres idéologiques et sociaux qui sont pas tout à fait les mêmes que la génération d'avant, et t'as la mère qui en fait reste à la maison, continue d'être religieuse dans un monde qui est devenu athéiste, ou en tout cas avec une religion de l'État plus qu'une religion de... Enfin voilà. Et en fait, il y a cette chose de bah, si l'autorité c'est ça, je vais remettre en question cette autorité-là en faisant exactement l'inverse. En fait, tu me dis que je suis diabolique, bah, je vais être diabolique. Mais en fait, ça dépasse rarement le discours symbolique finalement. Enfin, je sais pas, beaucoup des exemples, c'est. Mais il y a quand même toute une scène où la gamine, elle veut à tout prix, pour le dire, elle veut à tout prix coucher avec son père. Ouais. Et. Je veux dire, c'est très pénible à lire, hein, c'est pas... Ben c'est le côté je veux que ça remue tous les tabous, mais je veux dire... Ben en fait, c'est le côté d'échange de lettres. Il y a une... Dans les lettres qui viennent d'Amérique du Nord, il y a une description qui est faite par Sophia, qui pense qu'il y a une relation amoureuse entre une enfant et une personne adulte. Et en fait, elle vit dans cette incompréhension, dans cette mécompréhension de la situation pendant une quinzaine d'années. Mmh. Et quand elle écrit les lettres et qu'elle raconte son passage dans cette maison collective et qu'elle raconte ça, les gens qui lisent la lettre le prennent comme factuel. Mmh. J'ai lu cette chose, donc... Et en fait, c'est comme... ça part vraiment très très loin, ça dérive énormément jusqu'au moment où elle se rend compte de son erreur sur une quinzaine d'années et elle est là, ah mince, j'avais pas compris. Mais en fait, parce qu'il y a l'échange, l'influence de ces lettres précédentes a quand même fait effet. Et en fait, c'est aussi ça qui fait la forme du livre. Il y a vraiment chaque lettre a un impact sur les gens qui la reçoivent. Et sur le lecteur. Parce que le lecteur, chaque fois, il adhère au personnage qui parle, et puis il dit, ah ben oui, il a raison. Et la lettre d'après, mais il n'avait plus raison. Donc, et constamment, il remet en cause. Mais il y a une volonté de pousser, finalement, de pousser à une remise en question, et de faire une critique, en fait, assez forte, même si, au final, ça revient sur ses pas, et que, au final, il n'y a pas d'inceste à l'intérieur du livre. Mmh. Mais par contre, les rapports de pouvoir dans tout ce qui est relations sexuelles entre les personnages ont l'air vraiment pas chouettes. Oui, c'est bizarre par moments. Ah, c'est très très étrange. Mmh. Ouais. Je n'ai pas bien compris qui était l'auteur. L'auteur s'appelle Freddy Perlman. Voilà, c'est quelqu'un. Quel tu as dit? Non, États-Unis. Bah, d'origine tchèque. Pour la Tchécoslovaquie parce qu'il était un peu trop juif pour les nazis. Donc, voilà, il a fui ça en étant enfant, donc il arrive aux États-Unis à 8 ans, il a grandi aux États-Unis, puis en fait, C'est traduit de l'anglais alors. C'est traduit de l'anglais, mais c'est intéressant parce que c'est traduit de l'anglais, mais supposément c'est aussi écrit dans une autre langue et tout le texte a été retraduit, donc en fait tout le maquillage passe aussi par, supposément c'est une traduction. Ça a été écrit en anglais et ça... Tout son rapport à l'Europe, en fait, c'est pas son passé à lui, d'enfant qui est grandi en Europe, mais c'est surtout en 1961, après déjà avoir vécu, je crois qu'il s'enfuit de l'université ou il décroche de l'université pour aller en stop jusqu'en Californie et il rentre dans l'université de Californie à Los Angeles pour travailler dans leur journal, qui est depuis déjà plus d'une douzaine d'années considéré comme un nid à communistes par... Les rapports du Sénat sur les activités non américaines. Enfin, en Californie, ça a commencé un peu avant le maccartisme. Et en fait, il participe à ce journal jusqu'à l'interdiction du journal. puis il publie un journal clandestin, puis il part au Mexique pendant quelques temps pour se faire oublier. Et c'est le milieu des années 50. Et en fait, en 61, il est à New York, à fréquenter le Living Theater, qui est du théâtre d'avant-garde, mais qui est aussi un groupe anti-militariste. Et en fait, le fait d'être à New York au moment de la crise des missiles de Cuba et de voir supposément la ville la plus libérale et la plus internationale d'Amérique du Nord dire qu'il faudrait envoyer une tête nucléaire sur la Havane, ça les a un peu refroidis, et c'est là où ils ont essayé d'aller habiter en Europe. Et en fait, en Europe, l'Europe de l'Ouest, c'était beaucoup trop cher à vivre déjà à l'époque. Et la Tchécoslovaquie, ils ont été abordés par des gens du Parti communiste qui leur ont dit vous devriez rentrer en Amérique et faire adhérer des gens au Parti communiste. Donc ça n'a pas trop marché non plus, et ils ont fini à Belgrade. Et en fait, Belgrade, ouais. Et du coup, c'est à travers ça qu'il y a pas mal d'échanges avec des gens finalement en Yougoslavie, quoi. Et à quel moment à quel moment on comprend l'attribution à Freddy Perman de la bien sûr. Lui, il le dit de son vivant au bout d'un moment. Ouais. Ok. Bah dans cette lettre que j'ai lue. D'accord. Ouais, ouais. Et dans le fait que pour les gens qui l'ont lu à l'époque, c'était pas du tout un secret. Oui, oui. Mais dans le texte. Mais bon, ça rajoute en fait encore ouais. Une couche de crypto dans ouais. Toute cette histoire. Le texte ne le mentionne absolument pas. Ne mentionne absolument pas que c'est de la fiction. Il y a un extrait où. Parce qu'en fait, faut voir, tout l'échange du livre, c'est quelqu'un écrit une lettre, mais quelqu'un écrit une lettre des conversations des gens qui ont autour, l'envoie à une autre personne qui a des conversations autour et puis qui reparle de cette conversation, puis ils discutent les lettres. Donc en fait, t'as vraiment beaucoup trop de choses qui se croisent, puis ils parlent de leur passé sur les 30 dernières années. Enfin, c'est vraiment assez gros. Ils parlent aussi, ils racontent des récits qui tiennent d'autres personnes. Donc il y a aussi tout ce questionnement de, en fait, il faut vraiment avoir confiance dans ces deux personnages qui racontent l'histoire, parce qu'au final, tout est filtré à travers eux. À aucun moment, par contre, on sait si ce qui est envoyé, finalement, de part et d'autre de l'océan, est relu par d'autres gens dans leur entourage. Donc en fait, chacun lit des réponses, finalement, qui arrivent, mais personne ne sait vraiment ce qui part, à part la personne qui l'écrit. Et à un moment, il y a une discussion, il y a un ancien compagnon du journal, qui est maintenant professeur d'université, et... autour d'un repas, j'ai vite fait traduit quelques-unes des pages pour lui faire lire. Et c'est la seule mention sur ces 860 pages qui dit que ça a été écrit dans une autre langue que l'anglais. Et ça, c'est pas non plus dit. Hein. À la fin, quand il y a une note à la lecture, ça dit pas j'ai traduit ça. J'ai gardé les copies carbone et puis je les ai republiées en anonymisant. Mais il n'y a pas de mention de traduit. Donc ouais, c'était pas un secret, mais c'était pas non plus explicité sur le livre. Pourquoi cette absence de transparence sur les lieux et les époques ? Parce que, après tout, c'est un livre de réflexion sur un projet révolutionnaire ou une façon d'être en disant avec ce projet-là. Ouais. Il me semble que j'ai mon avis à moi, je ne peux pas donner la réponse de l'auteur, il est mort 5 ans avant que je naisse. Mais c'est. En fait, je pense que le fait d'avoir pris des événements ou des parties ou des anecdotes ou des récits de vie de personnes réelles, ça permet de rendre les situations plus crédibles. Ça permet de leur donner peut-être une profondeur qu'ils n'auraient pas eu si c'était tout inventé. En fait, je pense beaucoup des conflits qu'il y a entre des personnages sont des choses qui ont véritablement existé. Et ça permet finalement c'est possible de réfléchir à ce texte en disant ah oui mais non mais ça fait écho à tel événement et puis ça fait écho à tel autre texte qu'il avait traduit avant et des choses comme ça. Mais par contre le fait d'avoir tout anonymisé, je pense que ça aide à comprendre finalement ce texte comme quelque chose qui est assez intemporel, au sens où beaucoup des personnages sont des archétypes. Même s'ils sont basés sur des personnes réelles, ils représentent des idées, ils représentent des conflits qu'il est encore possible d'avoir, je pense. Et ça permet de s'approprier le livre, en fait. Enfin, je ne sais pas, des figures les plus critiquées à l'intérieur de ce bouquin, c'est finalement cette espèce de construction d'un milieu militant dans lequel on vit et on propage notre propre mythologie de révolution qui va venir demain et de... Il faut vraiment aller à la prochaine manifestation et dans les milieux activistes, les gens qui sont très fiers de se faire arrêter, parce qu'en fait, si tu t'es fait arrêter, tu montres que tu as été un bon militant. C'est toute cette méthodologie-là, elle s'en prend plein la gueule à travers le bouquin, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qu'en le lisant, et je pense qu'au final, pour pouvoir s'accrocher à lire, parce que c'est quand même assez long pour pouvoir s'accrocher à lire, c'est quand tu te reconnais dans certains des personnages, ou certaines des personnages, ou tous les personnages. Parce que c'est possible, hein, y a des gens qui sont là à se dire, mais moi je suis un peu de tout ça aussi. Quoi. Et je pense qu'avoir anonymisé les lieux et les dates permet de mieux s'approprier le bouquin, quoi, pour en faire quelque chose qui ne soit pas uniquement historique. Oui, mais ça ne simplifie pas la lecture. Parce que chaque fois que tu dis ah oui, mais ça se passait 12 ans avant, alors attends, le livre il a été écrit telle année, c'est 12 ans avant ça, je fais la soustraction, il va dire ah oui, c'est la guerre d'Espagne. Bon. Il me semble qu'il aurait écrit la guerre d'Espagne, j'aurais été plus clair. Mais, voilà. Mais c'est aussi quelque chose où. Et il y a un biais, je pense, énorme ici, l'insurrection de Budapest. Bah ça me parle, je sais ce que c'est, je sais quand ça s'est passé, je sais comment les gens ils ont réagi à ça, je sais que c'était vraiment dégueulasse. Et voilà, mais il y a quelqu'un qui me disait oui, mais quand même, il faudrait. Et j'ai fait un texte là-dessus pour contextualiser les événements historiques. Mais en fait, moi je suis vraiment pas certain que l'insurrection de Budapest ça parle à quelqu'un aux États-Unis en 1976. Au Centre international de recherche sur l'anarchisme, ok. Mais en fait, enfin voilà, c'est le fait de pouvoir s'approprier le bouquin, finalement, c'est peut-être plus simple sans ces événements historiques-là. Par contre, le fait de se dire, en fait, ouais, il y avait celui-là passé à côté, et la seule chose qu'on a été capable de faire, c'est essayer d'avoir une presse un peu plus libre pour pouvoir qu'ils nous disent comment ça se passe la répression là-bas. Oui, mais après, par exemple, l'histoire de ces révolutionnaires, ça ne trottue. Ouais. Je veux dire, si tu le ramènes pas à la guerre d'Espagne, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi ils s'en trottuent, quoi. Et effectivement, tu te dis, ah ben oui, ça nous renvoie à ces événements-là. Après, est-ce que c'est que la guerre d'Espagne? Non, mais c'est ça, c'est vrai que c'est pas... Moi, j'ai cherché... Mais, c'est quand même le fait de renvoyer à des faits historiques qui rend crédible un certain nombre de trucs qui, a priori, sont pas croyables, quoi. Pourquoi deux révolutionnaires, ils s'entretuent pourquoi il empêche l'autre d'être révolutionnaire, en fait, tu vois. Ouais, je veux dire, non, mais ça ne correspond pas à la mythologie ordinaire, quoi. Mais c'est ça, bon. Mais il y a une volonté de critiquer cette mythologie, mais justement, la mythologie ordinaire, c'est t'as le personnage de Louisa, qui est là, voilà, qui est une incarnation du point de vue officiel de la CND jusqu'aux années 70. Mmh. Et c'est, ben non, tout le monde se battait dans le même camp. Les barricades de 37, ça n'existe pas. Non, mais c'est en fait, il y avait des saboteurs. Donc c'est normal si l'armée populaire qui venait de se faire former, elle a liquidé toutes les personnes qui refusaient d'être intégrées à cette armée. Et ils n'allaient pas les appeler des révolutionnaires, ils n'allaient pas les appeler des anarchistes, parce que les anarchistes c'était eux. Donc les autres, ils allaient les appeler des saboteurs. Mais au final, c'est quelque chose qui... La révolution russe, liquider les anarchistes, c'était parce que c'était des dérives bourgeoises, individualistes et des saboteurs. Mmh. C'était absolument pas parce qu'ils étaient plus révolutionnaires que les... Enfin, tu vois, c'est... Oui, c'est vrai, mais je crois que ça rend plus crédible quand ça renvoie à des faits réels qui se sont passés, voilà. Parce que, en fait, c'est pas abstrait, l'engagement, quoi. Et le découragement, toutes ces choses-là. C'est à chaque fois lié à des périodes et à des... pour ça que ça me paraît difficile, effectivement, au niveau d'abstraction dont tu parles. Moi, je pense que ces déceptions-là, elles existent encore maintenant. Et du coup, si c'est pertinent de le publier, enfin moi je pense que c'était pertinent de le publier, après j'ai mis 4 ans à le faire, mais je pense que c'était pertinent de le publier en langue française, mais c'est pas nécessairement que pour la déception de la guerre d'Espagne. Je pense que la déception de la guerre d'Espagne, au bout d'un moment, collectivement en tant que milieu anarchiste, il faudrait qu'on apprenne à pas tourner la page, à se souvenir de ce qui s'est passé, mais il faudrait qu'on se construise des nouvelles déceptions. Enfin, mettre un peu de volonté à faire des choses et puis peut-être être déçu après. Mais le fait de pouvoir se l'approprier, je pense que c'est quelque chose où des gens qui ont vécu la guerre d'Espagne, maintenant il en reste plus beaucoup. Hein. Donc c'est au bout d'un moment, il faut... Enfin, et là, c'est écrit où la déception des personnages, c'est la déception d'une... en fait, leur grève insurrectionnelle, leurs occupations d'usines qui pensent être spontanées et qui ne le sont absolument pas, c'est quelque chose qui est venu à s'appeler le coup de Prague et qui est une vague d'occupation d'usines et de manifestations et de grèves en 47-48 qui amène à la fuite de tous les membres non communistes des gouvernements des pays de l'Est et du fait que le Parti communiste devienne un parti unique dans tous ces pays. Ça n'avait pas grand-chose de spontané et en fait, le personnage de Sofia, parce qu'elle grandit dans cette... peut-être envie de rester à critiquer finalement de critiquer le modèle nord-américain et de savoir bon, les étatistes, c'est pas géniaux. Et puis bon, ça a été noyauté et puis des politiciens ont pris le pouvoir. Elle reste à penser que c'était une grève spontanée. Et effectivement, la chose qui semble se passer pour leur équipe, c'est qu'ils sont dans une usine qui fabrique des cartons et qui sérigraphie des cartons. Et donc, ils sérigraphient des pancartes avec des slogans qui ne sont pas les slogans qui étaient censés être imprimés. Et quand ils se font arrêter, c'est pour sabotage, mais c'est parce qu'ils n'ont enfin, pas plus saboté qu'avoir fait des slogans qui ne sont pas les slogans estampillés parti communiste. Donc du coup, ouais, elle vit dans l'illusion que c'était quelque chose de spontané, mais ça a été récupéré plus tard, alors que c'était quelque chose qui n'a jamais été spontané. Des exemples de grèves comme ça, je pense qu'il y en a d'autres, ça ne se limite pas au coup de Prague. Bah déjà parce que ça arrivait partout en Europe de l'Est en fait. Juste, enfin, là il y a deux tomes. Ouais. Les deux tomes sont parus en même temps. Enfin, c'est juste pour la forme, non, c'est comment tu vois ? Alors en fait, l'édition originale, c'était des brochures de chacune des lettres. Ok. Là j'en ai peut-être encore quelques-unes là-bas pour montrer, mais le premier tome, il est paru en décembre 2019. Et c'est les 10 premières lettres sur 20. Et du coup les 10 dernières sont en deuxième qui est paru. Fin du mois dernier, arrivé un peu en retard. Et l'apparition originale ? L'apparition originale, c'est 1976. Ouais, en un seul mot. Ouais. Ouais, mais l'anglais, c'est plus court. et en fait, c'est imprimé sur du papier assez fin, mais je sais pas si vous voyez les livres de Hagon, un peu en format rectangulaire, un peu long, qui est 860 pages sur du papier un peu fin, ça reste quand même plus ou moins la taille d'une brique. Ouais, en français, la publication, c'est bon. Il y en avait une comme ça. Ouais. Le fait de le faire chapitre par chapitre, c'était aussi pour pouvoir les diffuser comme ça. Quoi. Parce que toute la traduction, ça a pris un peu moins de 4 ans. Traduction, correction, recorrection. Il faudrait encore probablement 2 ou 3 corrections de plus avant d'arriver à quelque chose qui soit dans des standards professionnels. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de marge intérieure, on m'a dit. Non, le problème qu'il y avait, c'était de pouvoir relier des livres aussi épais. Et du coup, en un seul volume. Donc voilà, faire un livre comme ça, en fait c'est une question d'avoir accès à des machines. Là ça a été fait parce que il y a des gens qui ont traduit une anthologie de textes plus format brochure, des textes un peu plus courts, de Freddy Perlman en castillan, et qui du coup ont découvert les traductions et en fait on a discuté ensemble et c'est eux qui ont imprimé le bouquin. Mais par exemple leur machine à relier a cassé sur les 2 volumes. Mmh. Ils ont déjà cassé leur machine à relier il y a 2 ans, ils ont recassé leur machine à relier cette fois-ci. Donc moi j'apprécie énormément le travail qu'ils ont fait en fait pour ça, mais c'est vrai que voilà, c'est assez difficile de faire des bouquins aussi gros pour ces raisons-là. La logistique bête. Et le troisième bouquin Le troisième bouquin, il y a 2 ans, quand le premier volume est sorti, il y avait une tournée de présentation qui a été un peu coupée court. Mais c'était, il y a des gens dans cette tournée de présentation qui m'ont demandé de présenter l'auteur. Et en fait, j'avais commencé à traduire des extraits, j'ai paniqué, j'ai traduit le bouquin entier. Mais c'était au final quelque chose d'assez intéressant, parce que j'hésitais à le faire. Et il y a une contextualisation finalement de ces lettres, parce qu'au final, ces lettres, en tout cas le parcours de Sophia, qui dans le livre est en Amérique du Nord, mais en fait son propre parcours à lui, quand il parle des occupations d'université, c'est absolument pas en Amérique du Nord qu'il a vécu ça. En fait, il était à Turin par hasard. Il était à Paris aussi. Il était à Turin pour enseigner en 66-67 pendant un semestre. Il était professeur détaché là-bas, quoi, assistant quelque chose. Et en fait, il se retrouve à avoir une correspondance d'avion pour rentrer aux États-Unis à Paris début mai 68. Et en fait, je vais rater mon avion et puis on reprendra plus tard. Et du coup, il participe au comité ouvrier étudiant de Sancier, l'usine Citroën. Et oui, beaucoup des personnages, finalement, ça c'est sa compagne, en fait, après sa mort, qui a fait cette biographie. Et finalement, dans tout le parcours, ça c'est la personne qui va devenir le personnage, qui est la base du personnage dans les lettres d'insurgés plus tard, quoi. Donc c'était intéressant de traduire cette biographie pour cette raison. Ça permet de... C'est vrai que ça aide bien. Hein. Ouais. On va arrêter là, on va continuer de manière plus informelle, ça en enregistrera.